Toujours à la même occasion, le porte-parole de l'Association du district central et méridional de l'Association générale des Coréens en Chine a publié un entretien à l'éloge de ses exploits accomplis pour la révolution de Songun.